Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez un papy-maniaque, une baguette, une chambre d'enfant, une armure de chevalier et vous obtiendrez le précieux bazar. C'est une catastrophe. Alors qu'il rentrait de l'école, Gabin trouva sa chambre parfaitement rangée. Avec une tête froncée à faire fuir un dinosaure enragé, Gabin déboula dans le salon, tellement briqué qu'il fut ébloui. Là, assis dans le canapé, sirotant un bon café, son papy Jippy chantonnait l'air satisfait. « Qu'est-ce que t'as fait, papy ?»« Un peu de nettoyage !»« Un peu ? Ma chambre est si bien rangée que je ne pourrais jamais rien retrouver !» Ta mère s'en plaignait, alors elle a fait appel à papy Jippy, la fée du logis. Qu'à cela ne tienne, si son papy était une fée diabolique, Gabin avait lui aussi un pouvoir magique. Il ne lui fallut que 5 centièmes de seconde pour revêtir son armure de chevalier du désordre. La maison se transforma en un véritable champ de bataille. Finalement, au plus grand bonheur de Gabin, il retrouva son précieux bazar organisé, mais fut privé de divertissement pour un bon moment.